Il y a de vieilles coutumes qui durent et d'autres que l'oubli consume. L'iniquité à la peau dure, l'insurrection s'est essoufflée. Mais c'est bien triste en vérité que la révolte soit passée de mode. Ranimons le dialogue, allons donc prendre l'Élysée. 14 juillet sur les boulevards, c'est la fête des révoltés. L'armée défile sur le pavé, le peuple regarde sur les trottoirs. Mais sans être expert, l'idée me traverse qu'à la Bastille ce fut l'inverse. Amis militaires, devenez civils et allez prendre l'Élysée. Il y a 100 façons d'écrire l'histoire, autant pour la commémorer. Rendons la garde des Michards vivant ce soir, allons fêter la liberté. Au chantre du devoir de mémoire, faites autre chose que des musées. Pour les fédérer, les communards, allez prendre l'Élysée. Il y a parfois dans les rues de Paris de belles manifs où l'on gueule, où l'on crie. Oui, la randonnée est un sport écolo qui fatigue les pieds et sort les provinciaux. Mais si ce passe-temps devient trop écœurant, à tourner en rond de Bastille à Nation, faites donc un crochet, un détour, c'est vite fait, et allez prendre l'Élysée. Car oui, la révolte a le charme désuet d'un vieux bal populaire où l'on s'aimait naguère, comme les fêtes des battages dans nos petits villages. Conservons l'authentique pour que les bobos appliquent. Ce n'est pas un programme, mais de l'amour, un vacarme, une grande bonne humeur qui ne vise que le bonheur. C'est un peuple plein d'espoir, mais qui n'est pas trop con et qui sait depuis longtemps que le pouvoir corrompt. Alors aidons nos gentils dirigeants à combattre leurs basses pulsions de concussion. Donnons-leur la peur de la révolution. Soyons citoyens, tatatin, et allons prendre l'Élysée.